Depuis les rivages, je t'ai vu sur des sentiers sinueux, et tu m'as souri sans raison, si l'on aimait celui qui t'aimait. Tu étais promise, mais prêchais que l'amour est libre, et je t'ai aimé, sachant que je ne serais pas ton aimé, mais l'amant que tu désirais. Dans une autre vie, vous étiez un amour brisé, t'as dit la prêtresse d'Apollon, et les dieux vous ont réunis pour raviver cette passion perdue. Te mène-t-il au paradis, a-t-elle conclu? Et quand tu as répondu oui, elle t'a encouragé à consommer nos rencontres avant notre étreinte dans la pénombre. Les horizons n'étaient que bruit et écho. Avec ces mots tiens, si doux, si serein, nous avons tissé la chaux, le sel, la toile, et cette lumière qui brille dans tes pupilles, celle qui anéantit la nuit et ses peurs. Ni l'oiseau dans son chant, ni le crépuscule dans son agonie dorée ne te connaîtront, si radieuse, si claire.